Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Il y a plus de deux siècles déjà, ici même, au Café Procope, en plein cœur de Paris, d'Alembert, Rousseau et plusieurs autres se réunissaient autour de Diderot pour discuter d'un projet fort audacieux, recenser pour la première fois tout le savoir humain. Solange Gagnon à l'émission Science-Réalité en 1986, audacieux et ambitieux, en effet, le programme que se sont donné Diderot et ses compères en se lançant dans l'écriture de l'encyclopédie. Bien plus qu'un simple dictionnaire, l'encyclopédie va transformer notre façon de voir et de comprendre le monde. Associé à ce qu'on va appeler l'esprit des Lumières, l'encyclopédie ouvrira en quelque sorte la voie à la Révolution française. Il faut avoir le courage de se servir de son intelligence, envers et contre tous. C'est ce que se répétait Denis Diderot en 1649, du haut du donjon de Vincennes, où, sur ordre du roi, il resta emprisonné plusieurs mois, à la suite de certains de ses écrits jugés trop subversifs. La vie de Diderot fut une longue suite de tribulations de toutes sortes, car, déjà à cette époque, il avait amorcé, avec plusieurs de ses contemporains, la rédaction de l'Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des techniques. Le but ultime visé, mettre tout le savoir à la portée de chacun, mais surtout, démontrer que le progrès existe et qu'il résulte de la longue accumulation des découvertes scientifiques. Il suffit de savoir apprendre et d'oser remettre en cause ce qui semble acquis. C'est ce que l'on a appelé depuis l'esprit des Lumières. Autre extrait de l'émission Science-Réalité du 26 janvier 1986, Diderot, l'encyclopédie, l'esprit des Lumières, voilà résumé en quelques mots l'essentiel de ce dont on va parler aujourd'hui avec mon invité, qui est Pascal Bastien, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Pascal Bastien, bonjour. Bonjour. Quelle importance, d'abord, a eu cette fameuse encyclopédie dans l'histoire des idées, dans notre manière de voir et de comprendre le monde, Pascal Bastien? L'encyclopédie est d'abord et avant tout un projet, c'est-à-dire que chaque article est en soi une réflexion particulière sur une idée, sur un projet, sur l'homme, sur l'anatomie, sur l'animal. Mais en fait, plus que le contenu en lui-même, il est l'aboutissement d'un combat, une machine de guerre, pour s'attaquer contre les dogmatismes. Pour Voltaire, c'était écraser l'infâme, mais pour plus largement, les contributeurs, les encyclopédistes, cherchaient à critiquer, à remettre en cause la royauté, la monarchie et l'Église. Les absolutismes, en fait. C'est ça qu'on combat. Il y en a deux grands, la monarchie et l'Église à cette époque-là, effectivement. Amener aussi la science comme étant le point de départ de la compréhension du monde. C'est un peu ça aussi. L'archétype des Lumières françaises et l'encyclopédie qui en est l'incarnation, si j'ose dire, c'est la raison. Oui. Effectivement, la raison doit être l'outil à partir duquel on doit ébranler ce qui jusqu'alors était infaillible, les absolutismes que vous évoquiez. Donc, tout peut être critiqué, tout ne doit pas être renversé, mais l'idée que les philosophes, les encyclopédistes peuvent réformer le monde actuel, que désormais, le bonheur, il ne faut pas attendre la mort pour pouvoir jouir du bonheur céleste, que le bonheur est possible ici et maintenant. Les utopies, donc ces écrits qui, depuis le XVIe siècle, proposent des cités idéales ailleurs. Désormais, au cours du XVIIIe siècle, on les transforme en des uchronies, c'est-à-dire on propose un autre monde, mais plus tard. Oui. Donc, désormais, il faut agir pour créer ce nouveau monde. Et puis, évidemment, cette aventure de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, bon, bien sûr, c'est une manière de voir le monde, c'est une démarche, c'est une collection de livres, c'est une collection de bouquins, c'est un dictionnaire. Oui, ce sera ça, mais c'est plus que ça. Il faut le dire, c'est plus de 20 ans. C'est vraiment une aventure, cette affaire-là. Absolument. C'est une aventure portée d'abord par deux hommes, Diderot et d'Alembert, mais c'est un projet collectif avec, je le disais tout à l'heure, mais avec donc 140 contributeurs, plus de 20 années de travail, un millier d'ouvriers du livre qui vont vivre de cette industrie pendant plus de 25 ans. C'est le bon mot, c'est un projet commercial. C'est un projet commercial, absolument, ouais. Avec justement l'investissement d'imprimeurs qui tantôt prennent le risque, tantôt hésitent. Comment éviter la censure? C'est véritablement donc une, vous le disiez, une aventure. Ouais. Une aventure qui aujourd'hui donc nous paraît unique, homogène, alors que quand on traverse les articles, on voit à quel point les contributeurs ne sont pas tous égaux, que le rythme des publications n'est pas égal, que le système de renvoi qui avait été proposé pour qu'on puisse naviguer dans l'encyclopédie est imparfait, parce que c'est justement un combat du premier volume, en 1751, jusqu'au dernier, en 72. Et cette aventure de l'encyclopédie, vous l'avez un peu évoquée, mais elle s'inscrit plus largement dans ce contexte du siècle des Lumières, de l'esprit des Lumières. Qu'est-ce qu'on entend en quelques mots quand on parle des Lumières, Pascal Bastien? Les Lumières, bon, c'est toujours extrêmement compliqué de définir ce que sont les Lumières. D'abord, il y a des Lumières françaises. En français, l'expression « lumière » est au pluriel, alors que si on prend dans les autres langues, l'Enlightenment ou le Aufklärung, on est dans un processus, c'est-à-dire que c'est plutôt un éclaircissement que des Lumières plurielles. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une philosophie des Lumières, ce sont des philosophes qui auront des contradictions, qui auront des oppositions. Rousseau et Voltaire ne peuvent pas se supporter, mais ce ne sont pas les seuls intellectuels qui ont des débats. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que tous ceux qui se revendiquent de la philosophie, souhaite être critique. C'est-à-dire, le dogme est inacceptable. Il faut l'interroger, éventuellement le confirmer, mais en tout cas, il faut l'interroger. Aucune connaissance ne peut être à l'abri de l'utilisation de la raison. Et en ce sens, les Lumières, c'est au moins ça, à travers toute l'Europe, avec des spécificités. En France, elle est très anticléricale. Elle est beaucoup moins en Angleterre, par exemple. Il y a des Lumières plus scientifiques, d'autres plus philosophiques, si j'ose dire. Donc, chaque nation, plus économique pour les Lumières écossaises. Donc, chaque nation a des particularités, puisqu'elles sont portées par des grands intellectuels. David Hume ici, Voltaire là. Donc, il y a une multiplicité, c'est très, très riche. Donc, c'est réuni par l'idée de lumière et, je terminerai là-dessus, l'idée de progrès. Ouais. La lumière qui éclaire, et l'éclairage, c'est de remettre en cause, c'est de douter, c'est de remettre en question. C'est ça, au fond, l'esprit derrière tout ça. Revenons à l'histoire de l'encyclopédie comme telle. D'où vient d'abord cette idée d'une encyclopédie? On écoute un extrait de l'émission « Le roman de la science d'Alembert et l'encyclopédie » diffusé en octobre 1958. Vous allez y entendre les comédiens Jean Gascon, suivi de Guy Provost, qui interprète le rôle de Diderot, et Jean-Louis Roux, qui interprète celui d'Alembert. On a beaucoup écrit sur l'encyclopédie et on en a fait le symbole du siècle des Lumières. Il semble que le motif immédiat qui en a suscité la publication ait été la parution en Angleterre de la Chambers Cyclopedia. Devant le succès de l'ouvrage, un libraire parisien engagea l'écrivain Denis Diderot à en préparer une traduction française. Diderot conçut immédiatement un projet de plus grande envergure et il chercha à s'attirer des collaborateurs au nombre desquels devait figurer en premier lieu d'Alembert. À quoi bon limiter notre œuvre à celle du Tachon et nous contenter de traduire servilement l'ouvrage du docteur Chambers? Je me range d'autant plus volontiers à votre avis que la France me paraît compter suffisamment d'hommes cultivés et honnêtes, de connaisseurs en tous les domaines pour édifier une œuvre qui soit de notre cru. D'ailleurs, l'ouvrage du docteur Chambers me paraît bien éloigné de la perfection. Il a lu les livres, mais il n'a pas vu les artistes. Mais cependant, beaucoup de choses ne s'apprennent que dans les ateliers. À mon avis, il a trop écrit sur les sciences. Il n'a pas assez bien écrit sur les arts libéraux. Et il n'a presque rien écrit sur les arts mécaniques. Nous devons réhabiliter le travail industriel, grâce auquel notre société est en voie de se transformer, et dans lequel aussi l'usage de la saine raison l'emporte sur les vagues spéculations. Vous acceptez vraiment de vous rallier à ce projet? Je n'en connais pas de plus noble. Préparons-nous, mon ami, à une tâche considérable. Nous devrons nous adresser aux plus habiles ouvriers de Paris et du Royaume. Nous nous donnerons la peine d'aller dans leurs ateliers, de les interroger, de discuter avec eux, d'écrire sous leur dictée, de développer leurs pensées, d'en dresser des tables, et, précaution presque indispensable, de rectifier par de longs et fréquents entretiens avec les uns ce que les autres auront imparfaitement, obscurément, et parfois même infidèlement expliqué. Alors, que va devenir cette fameuse encyclopédie de Diderot et d'Alembert, Pascal Bastien? Comment, par exemple, elle va se démarquer du point de départ, au fond, de la référence qui était l'encyclopédie de Chambers? Eh bien, déjà, quand on regarde le titre des deux ouvrages, on revoit le dialogue que l'on vient d'entendre, c'est-à-dire que Chambers, donc l'encyclopédia, c'est le dictionnaire universel des arts et des sciences, alors que pour l'encyclopédie, nous avons le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Ouais. Donc, on ajoute la raison, on ajoute les métiers, donc le rapport beaucoup plus utilitaire, concret, terre-à-terre de l'encyclopédie. Et très clairement, c'est une œuvre qui se veut française. Ouais. Hein, donc, c'est très, très clairement énoncé. Les Lumières françaises sont les seules lumières valables. Hein, donc, dans cette espèce de combat, clin d'œil à une Angleterre éclairée qui ne peut pas parvenir à la perfection. Évidemment, dans le dialogue qu'on vient d'entendre également, tout a l'air magnifique, tout a l'air extrêmement beau. Le résultat et le travail sera plus compliqué. Même Diderot, à la fin du projet, dira que son œuvre est bigarrée, qu'on y retrouve ou que s'y côtoient des ébauches d'écoliers avec des coups de maître, qu'il y a véritablement du bon, du très bon, du médiocre et du mauvais. Tout n'est pas égal. Tout n'est pas égal. Dans l'encyclopédie. Sur les 140 contributeurs que j'évoquais, on a Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alembert, mais on a aussi d'obscurs. D'abord, on a des articles anonymes. On a aussi d'obscurs petits penseurs qui vont finalement intégrer dans l'encyclopédie des archaïsmes qui peuvent nous étonner quand on associe encyclopédie avec ces lumières libérales. Ouais. Et il y a tous ne sont pas égaux non plus, ni dans la qualité de leur travail, ni dans la quantité. Il y a des gens qui seront de très, très gros contributeurs. Diderot, évidemment, mais pas que lui. Là. Il y a des gens qui seront de très gros contributeurs à l'encyclopédie. Le plus fameux, c'est-à-dire fameux parce qu'il a écrit presque le tiers de l'encyclopédie, c'est le Chevalier de Jaucourt. Le Chevalier de Jaucourt est un soldat, si j'ose dire, remarquablement complice avec Diderot. Il va rédiger des articles très honnêtes, d'autres quelques lignes sans plus, et il fera... C'est ce qui permet, si vous voulez, de rédiger plus de 17 000 articles de l'encyclopédie. Il fera ce que nombre d'autres contributeurs feront, c'est-à-dire qu'il va plagier. Hein, il va utiliser des ouvrages antérieurs, copier, en revendiquant ou pas les sources. Diderot fait de même, Voltaire fait de même. À l'époque, le plagiat est un hommage à ce que l'on pille, mais n'est pas une pratique étrangère. Ouais. Mais c'est malgré tout, malgré cette contribution importante de cet auteur dont vous venez de nous parler, c'est Diderot qui vraiment sera au cœur de cette aventure de l'encyclopédie. À nouveau, un extrait de l'émission Science-Réalité du 26 janvier 1986. À titre de directeur du projet, Diderot recrute les esprits les plus prestigieux de son temps et distribue le travail. Il corrige, synthétise des milliers d'articles. À lui seul, il rédige plus de 6000 des 72 000 articles que comporte l'œuvre complète. Mais tour à tour effrayé ou découragé par toutes ces interdictions, les quelques 200 savants, ingénieurs, philosophes et hommes de lettres qui participent à sa rédaction démissionnent. Seul, d'Alembert continue de soutenir l'entreprise, même après sa démission en 1759. De sorte que sans la ténacité et le travail remarquable de Diderot, les 28 volumes de l'encyclopédie n'auraient jamais vu le jour. À plusieurs reprises, il se retrouve seul pour supporter tout le poids de cette œuvre gigantesque. Revenons à Diderot. On le voit dans cet extrait, il aura une importance énorme dans cette aventure de l'encyclopédie. De quelle manière il sera important, Pascal Bastien? Diderot est, avant même le projet de l'encyclopédie, l'un des philosophes les plus originaux de son époque. Il faut toujours hésiter à dire c'est le plus grand philosophe, c'est le représentant des Lumières, c'est ceci. Voltaire pourrait, Rousseau pourrait aussi jouer ce rôle. Mais Diderot est probablement, parmi les encyclopédistes, le seul qui soit véritablement athée. C'est quelqu'un qui a, d'abord, qui a été embastillé ou qui a fait quelques prisons royales avant l'encyclopédie, qui le fera aussi un peu après. C'est quelqu'un qui pousse l'exercice de la raison et la critique plus loin que personne ne l'a été jusqu'à présent. Un esprit, à l'époque, un esprit subversif. Absolument, ouais. Absolument. Libertin, alors, par que, ailleurs, grand libertin. Tout à fait. Alors que tous les philosophes ne sont pas aussi libres. Hein, parce que le libertin, c'est celui qui libre de mœurs, mais libre de penser oui. également. Hein, libertin comme les libertins érudits du XVIIe siècle. Et il est justement donc, quelqu'un qui considère que l'encyclopédie n'est pas simplement un autre travail d'auteur, qu'il est véritablement une œuvre fondatrice, utile, nécessaire pour le progrès de l'humanité. Pourquoi il se lance dans cette aventure-là? C'est un défi, je crois, au départ. On l'a entendu tout à l'heure, il s'agissait d'une demande d'un de ses compagnons imprimeurs, André Le Breton. Est-ce que vous pouvez vous lancer dans la traduction de l'encyclopédia de Chambers? Et puis ensuite, les deux se sont dit, mais pourquoi se limiter à traduire? Mm-hmm. Faisons autre chose. Donc, c'est un défi. C'est une volonté de marquer la France comme étant productrice des véritables lumières. Et puis, le sentiment, le vrai sentiment, la vocation de créer quelque chose de... d'abord, de, je le répète encore, de collectif. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'agir seul, oui. mais de réunir une équipe, une armée, si j'ose dire, qui réussirait à ébranler... Et à proposer. Il ne s'agit pas simplement de bousculer, c'est mm-hmm. aussi de réformer, de créer, de proposer, d'offrir à tous les lecteurs non seulement la connaissance actuelle, mais de proposer ouais. aussi des changements à venir. Entrons un petit peu dans l'encyclopédie. On l'a vu, beaucoup de contributeurs, pas tous égaux en production, en quantité d'articles produits ni en qualité. Des articles qui parfois sont très courts, des articles qui parfois sont de véritables traités sur une question. Si vous aviez un exemple ou deux à nous donner d'articles qui, dans ces quoi, 72 000 articles, quelques articles qui se démarquent du lot. Eh bien, je vais peut-être m'intéresser à l'article rapidement de Anatomie. D'abord parce que Anatomie est l'un des nombreux articles écrits ou co-écrits par Diderot. Donc Diderot s'est associé avec un compagnon chirurgien et a rédigé l'article Anatomie, le plus volumineux de tous les articles de l'encyclopédie. Et ce qui est intéressant dans cet article de 28 pages, c'est que non seulement il y a une réflexion donc, sur les progrès de l'anatomie, mais Diderot propose aussi un projet de réforme des écoles de chirurgie. Hein, à une époque où l'Église, la faculté de théologie, contrôle la disponibilité des cadavres pour pouvoir procéder à des dissections, à une époque où la justice est remise en cause par les philosophes, Diderot propose quelque chose qui va nous sembler horrible, mais qui est tout à fait conforme à l'esprit des Lumières. Il dit « Puisque la peine capitale est inutile, puisque les cadavres ne servent à rien, eh bien, je propose que nous nous prêtions à la vivisection. Prenons les condamnés à mort, exerçons sur eux des chirurgies alors qu'ils sont en vie. S'ils meurent, ils auront mérité le sort que leur crime, où leur crime les a conduits. Et puis, s'ils vivent, ils pourront être graciés. Donc, la vivisection nous paraît évidemment absolument épouvantable, mais elle est utile. Elle est rationnelle, elle s'inscrit dans le projet ouais. et les excès, pourrait-on dire, du projet des Lumières. C'est un bel exemple parce que ça nous ramène à l'esprit, en fait, de ce projet de l'encyclopédie dans ce grand siècle des Lumières. Ça ne sera pas simple. Déjà, avec ce que vous nous dites, on défie quelques conventions. La réalisation de l'encyclopédie va vraiment être parsemée d'embûches. À quels obstacles? Ils seront nombreux. À quels obstacles se butera donc Diderot, principalement d'Alembert aussi, mais Diderot principalement, tout au cours de cette aventure de l'encyclopédie Pascal Bastien? D'abord, précisons que D'Alembert aura l'amitié de quitter le navire de la direction de l'ouvrage, mais qu'il continuera à rédiger les articles sur les mathématiques. Hein, c'est l'amitié qu'il a fait à Diderot. Mais il est clair que l'encyclopédie, d'abord, pose des questions d'ordre économique, d'une part, pose des questions d'ordre politique, puisque à partir du septième volume, effectivement, la censure royale ne renouvelle pas le privilège du libraire pour imprimer l'ouvrage. Et donc dire qu'il y a une interruption, il y a une menace, un arrêt du Parlement qui est très très sévère. Les contributeurs sont effrayés parce qu'ils voient bien que leur travail est menacé, ils voient bien que leur personne est menacée. Parce que n'oublions pas qu'à l'époque, la plupart des philosophes sont des gens très aisés, mais ils sont aisés pourquoi? Parce qu'ils sont protégés par l'État. Mmh. À partir du moment où leur travail est remis en cause par l'État, Allons-nous perdre nos pensions? Allons-nous perdre nos privilèges? Et ça devient une attaque directe sur la propre carrière. Menace d'excommunication par l'Église. Absolument. Emprisonnement. Diderot, ça ne le fait pas tellement... Il en est un petit peu indifférent, mais effectivement, il y a toute une série d'attaques de l'Église et de la royauté, ouais, qui pose un problème. Diderot est effectivement opiniâtre, pour reprendre la formule d'Alembert. Il va se poursuivre tantôt à Paris, tantôt à Neuchâtel. Il est quand même accompagné, il ne faut pas non plus le négliger, parce que, comme disait Roger Chartier, les auteurs ne font pas les livres. Il est accompagné par son imprimeur. Ouais. Son imprimeur qui est lui aussi menacé économiquement, ouais, mais qui va jouer avec d'autres compagnons imprimeurs, imprimer à l'étranger. Et donc, sans André Le Breton, l'encyclopédie ne peut pas se poursuivre. Ils vont persister, de par leur opiniâtreté et leur conviction profonde. Elle existera, cette encyclopédie, bien qu'imparfaite, comme vous le disiez, et Diderot le reconnaissait. Quel impact ça va avoir? Est-ce que c'est exagéré de dire... Au tout début de l'émission, je faisais le lien entre cette démarche, l'encyclopédie, et ce qui mènera éventuellement dans ce siècle des Lumières à la Révolution française. Quel impact aura eu l'encyclopédie concrètement? Alors, sans pouvoir associer l'apparition de l'encyclopédie avec la Révolution française, on hésite toujours à faire des Lumières la cause de la Révolution, mais il est clair que les révolutionnaires sont des gens éclairés, qui, pour la plupart, ont pu lire, hein, oui, l'encyclopédie. L'encyclopédie, malgré, je le disais, ces articles inégaux, malgré, et ça j'invite vos auditeurs à aller voir par exemple l'article nègre, où on trouve, on est bien loin de l'émancipation et de la subversion dans ce genre d'article, ben, il reste que, globalement, l'encyclopédie propose une vision du monde ancrée dans le progrès, remise en cause de la spiritualité, glorification du rôle de l'État pour le bien commun, ouais, l'individualisme aussi, au profit, plutôt au détriment d'une collectivité spirituelle ou d'une collectivité étatique, si vous voulez. Relativité des questions de morale, de vertu, de devoir, au profit d'un utilitarisme, mm-hmm, qui doit être immédiat, concret. Toutes ces questions, donc, justement, qui nous permettent de... C'est toujours un peu, là encore, un peu facile, mais d'associer l'encyclopédie aux Lumières à la modernité, ouais, la modernité au libéralisme. Un grand coup de tonnerre dans la vie intellectuelle, dans la vie de la pensée et encore une fois dans notre façon de voir et d'aborder le monde. Pascal Bastien, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal, merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci infiniment. Merci également à Mathieu Beauchamp, la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Marie Caillé, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Christian Côté et Philippe Couture, à la technique aujourd'hui Sylvain Labrecque. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.